nous avons commencé à aborder la notion de sujet, laquelle désigne l'être humain en tant qu'être pensant, conscient de lui-même et de ce qui l'entoure, doué en outre de volonté, c'est-à-dire la capacité de faire des choix et de prendre des décisions de façon réfléchie. La notion centrale ici va être celle de conscience. Que désigne-t-elle? Précisons en premier lieu qu'il sera question ici de la conscience psychologique et non pas de la conscience morale, auquel le terme de conscience renvoie quelquefois dans la langue courante. La conscience morale, ce serait la capacité de se faire une idée du bien et du mal, sa capacité de juger les actions en fonction de catégories morales comme le bien et le mal. Alors, au sens minimal, la conscience psychologique, qui nous intéresse, désigne un état qui peut varier en intensité, dans lequel se trouve un être doté de sensibilité qui répond aux stimulations qu'il reçoit de son environnement. Alors, en sens inverse, voilà, un individu totalement inconscient, par exemple s'il est plongé dans un coma profond, lui ne réagit à aucune stimulation externe. En ce sens, premier, la conscience apparaît étroitement liée à la sensibilité, ou à la perception, c'est-à-dire la capacité de recevoir des informations des objets de notre environnement, et à la réactivité face à celle-ci. Cependant, lorsque nous disons qu'un être est conscient, on exprime par là davantage que le simple fait d'être éveillé. Quand on dit qu'un être est conscient, on veut dire par là, d'une part, qu'il ressent quelque chose, qu'il éprouve certains états. Être conscient, c'est vivre certaines expériences en première personne, c'est-à-dire de façon subjective. Par exemple, voilà, si je me cogne à un meuble, contre un meuble, bon, évidemment, c'est bien un signal nerveux que je reçois et qui m'indique qu'il y a un problème, qu'il y a un danger, qu'il faut que je recule. Bon, voilà, ça, c'est le signal. Ça peut être traité comme une information. Mais en même temps, cette information, il faut toujours la voir aussi comme une expérience. Voilà, j'éprouve une sensation de douleur. Cette sensation, c'est bien moi qui l'éprouve et personne d'autre. Bien sûr, les autres qui me voient me cogner et dire « aïe », bon, évidemment, ils comprennent que j'ai mal. Mais le fait d'avoir mal, c'est moi seul qui le vis d'une certaine façon, et ça, c'est une expérience consciente. Bon, d'autre part, quand on dit qu'un être est conscient, on veut dire par là qu'il éprouve un certain état, mais en même temps, il sait qu'il éprouve cet état. La conscience est aussi en ce sens une forme de connaissance, en tout cas c'est quelque chose que je peux me représenter mentalement, je peux me faire une certaine idée et éventuellement la communiquer. À partir de là, on va pouvoir distinguer plusieurs degrés de conscience. D'abord le simple fait d'être éveillé, de ressentir quelque chose, même de façon éventuellement indéterminée, de façon un petit peu confuse, ça renvoie à ce qu'on appelle la conscience immédiate. Ce premier degré de conscience n'implique aucune forme de verbalisation. Je ressens quelque chose, je ne suis pas obligé d'être capable de le dire, de mettre des mots dessus. En tout cas, je ressens quelque chose. Et donc, c'est bien l'idée d'une expérience immédiate du fait que nous éprouvons à chaque instant un ensemble de sensations. On peut distinguer cette conscience immédiate d'un second degré, la conscience représentative. Celle-ci consiste non plus simplement à ressentir quelque chose, mais à s'en faire une idée. La conscience représentative repose alors sur la mémorisation de situations vécues par le sujet, à partir desquelles il se forme donc des représentations, des idées. On pourra distinguer éventuellement deux grands types de représentations mentales. D'une part, des représentations sensorielles, qui consistent à se remémorer au présent, à remobiliser au présent une sensation ou un ensemble de sensations éprouvées par le passé, ce qui va donner lieu, voilà, à une image mentale d'un objet qui peut être réel. Voilà, j'ai vraiment vu tel objet que je me remémore, que je me représente mentalement, ou éventuellement ça peut être un objet imaginé. Voilà, je recompose mentalement à partir de perceptions passées, je recompose une nouvelle image qui, elle, est qui ne renvoie pas forcément à un objet réel. Bon. D'autre part, on pourra avoir des représentations qui, elles, seront verbales ou propositionnelles. C'est-à-dire qu'on va se former une idée, mais on se la représente sous la forme d'un énoncé. Un énoncé que l'on se représente mentalement, voilà, une phrase, et une phrase que l'on pourrait exprimer. Les représentations propositionnelles, elles reposent évidemment sur le langage, hein, c'est-à-dire que là, on va penser dans une langue. D'une certaine façon, le raisonnement, ça repose toujours sur un ensemble de propositions que nous nous représentons mentalement et que nous enchaînons. Et donc, ce sont ces représentations propositionnelles qui permettent de se former des concepts, c'est-à-dire des idées abstraites, voilà, comme si je me représente une valeur comme la justice, comme je me représente aussi un nombre, voilà, une notion mathématique. Un nombre, ce n'est pas un objet réel, ce n'est pas un objet physique, c'est un objet abstrait, donc, mais c'est bien quelque chose que je vais me représenter par un ensemble de propositions, par un ensemble d'énoncés qui me disent un petit peu ce que c'est. Bon. Et puis enfin, voilà, à partir de cette conscience représentative, qui est le fait qu'on se représente des idées dans notre conscience, eh bien, on pourrait concevoir un troisième degré de conscience, qu'on appellerait la conscience réfléchie ou réflexive, hein, bon, selon les auteurs qui ont utilisé tel ou tel terme. Donc la conscience réfléchie, ça va consister pour le sujet, pour l'être humain conscient, à pouvoir mentalement examiner ses propres représentations, à faire un retour sur ses expériences et sur lui-même, un retour critique, il va se juger lui-même, s'examiner lui-même. Voilà, ce serait un petit peu trois degrés de conscience. Donc, dans la suite du cours, nous allons nous intéresser à la conscience comme un triple rapport. Un triple rapport. Bon, d'abord, bon, c'est un petit peu ce dont on a parlé, la conscience, c'est d'abord un rapport aux objets de notre environnement. Avoir conscience, c'est avoir conscience de choses autour de soi. On a dit, voilà, j'éprouve certaines sensations, ces sensations, elles peuvent être causées par des objets externes, donc, et je vais me représenter ces objets externes. Donc, premier rapport que constitue la conscience, c'est un rapport à des objets. Alors, des objets, comme on l'a dit, des objets peut-être qui peuvent être des objets réels, hein, des choses, une table, un arbre, mais aussi éventuellement des objets idéaux. On avait parlé de valeurs, de nombres, voilà, donc des concepts. Ensuite, la conscience n'est pas qu'un rapport à des objets, c'est aussi, et peut-être surtout, un rapport à soi-même. Avoir conscience, c'est avoir conscience de soi-même, c'est-à-dire se percevoir en tant que personne, percevoir son propre corps, se faire une certaine idée de ce que l'on est, se dire, voilà, je suis comme ceci, je pense être telle personne. Donc la conscience, c'est aussi un rapport à soi-même. Et enfin, bon, troisième rapport, la conscience, c'est un rapport à autrui. Donc, peut-être ça nous rattache un petit peu au rapport aux objets, c'est-à-dire que dans les objets que nous percevons, eh bien, il y a aussi d'autres personnes. Donc avoir conscience, c'est avoir conscience d'autres individus qui sont eux aussi des sujets, eux aussi des êtres conscients, qui ont leur propre intériorité, qui ne sont pas de simples choses. Hein, évidemment, ce n'est pas pareil de percevoir une table et percevoir un autre être humain. Donc, voilà, troisième rapport que constitue la conscience, le rapport aux autres sujets, c'est le fait d'avoir conscience d'autres personnes que soi.